L'Institut sylvicole près le ministère de la Protection du territoire national et de l'environnement a mis au point la technique de plantage dense de pins pignons de bonne espèce et l'introduit au niveau de tout le pays. Cette technique permet d'anticiper de 8 à 10 ans le cycle de production de pins pignons par rapport au précédent et d'augmenter considérablement la récolte par hectare. Dans les régions montagneuses du pays, le taux de production de pignons obtenu par l'introduction de la méthode de greffe en écusson a augmenté de plus d'1,5 fois.